Les spectacles privés d'Aimé. Aimé s'intéresse de près à l'arturomachique. Lui, il se dit aficionado, à l'espagnol. Je n'ai jamais vu de corrida qu'à travers ses yeux. Son corps entier participe à ses évocations. Sa glotte, ses jambes, ses bras, ses hanches et le reste. C'est que, lorsqu'il me fait le récit du dernier spectacle taurin en date, il ne peut s'empêcher de se lever et d'enchaîner ce qu'il appelle des passes de poitrine, des manoletinas ou autres noms techniques en as que je n'ai pas tous retenus. Moi, je suis au spectacle. Je le regarde agiter une cape invisible qu'il tient à la main pour torer des bêtes de 500 kilos, l'air droit et fier. Il s'encourage de « Olé !» qu'il hurle à plein poumon et je n'arrive jamais à garder mon sérieux. Lui reste d'une dignité héroïque. Seul le trahit parfois un frétillement de moustache. Pour clôturer ses spectacles, il adopte des cambrures exagérées, se tord à la façon d'une anguille en déambulant sur la pointe des pieds, agite sa cape comme s'il s'agissait d'une nappe pleine de miettes, salue la foule le nez en l'air, tourne le dos à la bête au mépris du danger. Enfin, après une volte-face théâtrale, se saisissant d'une poignée de frein ou d'un autre objet pour s'en servir de dague, il achève le taureau invisible. D'un seul coup, toujours. Moi, j'applaudis, et je lui donne souvent les deux oreilles et la queue. Aimé ne peut pas supporter les anticorridas, ces individus qui font des chaînes humaines devant les arènes, invectivent les spectateurs dans les files d'attente et les traitent de bourreaux ou d'assassins. Aimé s'emporte quand il en parle. « Il ferait mieux d'aller manifester devant les élevages de poulets. T'es d'accord avec moi, Miloche ?» Les pauvres bêtes, on leur coupe le bec pour pas qu'ils se battent, on leur fait subir une existence de « bad people », et pour finir, on les ébouillante vivants pour les plumer plus facilement. C'est con, un poulet, mais ça souffre, comme tout le monde. Et ces gars-là, qui se pointent, le ventre plein de poulets en batterie, pour venir nous emmerder le dimanche. Bah, excuse-moi du mot, mais j'en trouve pas d'autres. Aimé ne s'arrête jamais en si bon chemin. Ce qu'ils ne veulent pas voir, c'est que les taureaux qui meurent dans l'arène ont eu une vie de rêve avant leur sacrifice. Pas les poulets, ni les canards, ni les oies, ni les cochons. Alors oui, je suis d'accord, la corrida c'est violent. Mais il faut comparer ce qui est comparable. C'est pas ce qu'on donne à voir en spectacle qui est le pire. C'est ce qui est caché, tu le sais Miloche, je te l'ai déjà dit. Et puis, une société a besoin de conserver des traditions ancestrales pour se souvenir des hommes du passé. Tiens, d'ailleurs Miloche, tu crois qu'il y avait des anti-jeux du cirque à l'époque romaine qui manifestaient devant les arènes, hein? Quand je ne sais pas, je me tais. Puis, ça ne manque jamais, Aimé s'emporte, exagère, en rajoute, ne veut plus rien entendre, tandis que je ne dis toujours rien. Une mule aurait quelque chose de conciliant et de compréhensif à côté de lui. C'est son caractère, je le connais parfaitement, et encore une fois, cela me fait du bien de voir des gens qui ne fonctionnent pas tout à fait comme moi. Ça me permet de me remettre en question. Même si dans le fond, nous avons bien des points communs, il n'est pas plus dans la réalité que moi. Il passe son temps à forcer le trait, à répéter les mêmes choses en restant dans son personnage, à perfectionner son rôle, bref, à faire l'acteur. Je dois également préciser qu'Aimé n'a franchi les arcades d'une arène qu'une seule fois dans sa vie, il y a fort longtemps. Il avait 25 ans, je crois. Son arène, depuis, c'est le journal à la page des sports.